Bonjour à tous et bienvenue sur Freaks et Merveilles, un podcast sur les arts vivants queer. Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, je reçois une sorcière dont le nom évoque tantôt la puissance des femmes que le patriarcat étouffe, tantôt la séductrice sulfureuse et vulgaire. Artiste aux multiples masques, tour à tour serpent, démon, ingénu, arbre de Noël, fantasme miyazakien ou femme robot au sein mitrailleur, toujours TDS et fière, aujourd'hui, je reçois la Morrigasme. Bonjour la Morrigasme. Bonjour, mais quelle description. Tu te reconnais oui, dans cette description. Oui, je vais mettre ça sur mon CV. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour te présenter en deux mots avant qu'on plonge dans notre heure de discussion ici sur Radio Panique? Je pense que tu as très bien fait ça. Oh, merveilleux. Eh bien, alors plongeons en parlant de ces deux facettes qui, en tout cas, selon moi, font toute ta particularité artistique, mais pas que, c'est que tu es à la fois travailleuse du sexe et pôleuse pour du cabaret queer. Mm-hmm. C'est important pour toi de revendiquer les deux. D'ailleurs, sur ton Instagram de performeuse, on voit à la fois que tu te revendiques comme stripper et mm-hmm. comme drag et comme pôle danseur et comme prof, etc. Mm-hmm. Pourquoi ces deux étiquettes en même temps et pourquoi c'est important pour toi de revendiquer les deux? Alors pour moi c'est pas autant des étiquettes à revendiquer que juste une réalité. Je fais de la pole dance dans les cabarets mais pas que, donc j'ai aussi des numéros sans pole dance et je fais donc du travail du sexe en tant que stripper. Je fais aussi d'autres choses, donc pour moi voilà c'est deux étiquettes parmi tant d'autres. Et voilà, c'est une... Oui, mais alors, en plus, il y a beaucoup de gens qui, justement, séparent bien ces différentes activités. On voit même de plus en plus dans la pôle, avec l'émergence du pôle sport, etc., une volonté de se différencier, de dire, mais nous, attention, on n'est pas, pas des travailleuses du sexe, on n'est pas des strippers, on ne vient pas de là. Pour toi, c'est important, justement, d'unifier ça? Unifié, je dirais pas donc les personnes qui font du pôle sport évidemment ne sont pas strippers, strippeuses, ne sont pas travailleuses du sexe. Oui, je pense qu'il faut faire la part des choses. Évidemment, monsieur, madame, tout le monde qui va prendre des cours de sport pour l'aspect récréatif, pour l'aspect sportif et qui est très fier de faire des figures de pôle sur sa barre. Ne fait pas du strip ou l'athlète qui s'entraîne pour des compétitions ne fait pas du strip non plus. En fait, il y a énormément de facettes à la pole dance, que ce soit donc du pôle sexy, du pôle art, dans les scènes de cabaret, dans les scènes de compétition sportive ou comme loisir que, comme je dis, tout le monde peut pratiquer en studio ou chez soi. Et dans un monde idéal, on célébrerait toutes ces facettes, toutes ces diversités d'approches de la pole et on se soutiendrait dans cette grande famille de la pole dance. Sauf que malheureusement, on observe dans la réalité que ce n'est pas le cas. Et il y a clairement un mouvement dans le pôle sport ou dans la pole dance telle qu'affichée par les studios ou par voilà ce mouvement de mainstreamisation de la pole qui est le dénigrement de strippeuses. Et alors pour affirmer ça il faut des preuves et j'en ai. j'ai entamé une collection chez moi de tous les articles que je trouve dans la presse écrite sur la pole dance et en fait donc je les collecte tous et quand on lit ces articles on peut vraiment jouer au bingo des mots en fait qui vont dénigrer ou même juste sous-entendre que la pole dance, que le strip est quelque chose qui fait du mal à la pole dance. Ça va toujours être, contrairement aux préjugés dont elle souffre à cause des strip clubs, malheureusement, c'est mal vu à cause des strip clubs, ou alors encore sur les sites internet de présentation de studios, y compris à Bruxelles, y compris en 2024. On insiste, je vois encore beaucoup ça, on insiste sur le côté, oui, attention, sensuel mais pas vulgaire, sensuel mais pas aguicheur. Donc il y a cette idée qui est très présente dans le milieu, malheureusement, du pôle sport, que le pôle sport est quelque chose, on va dire, de plus noble, de plus correct, de plus respectable. Que ce qui se passe dans les strip clubs, et ça va jusqu'à complètement gommer l'apport des strippers et strippeuses dans l'histoire de la pole dance. Donc on voit beaucoup de studios qui vont parler uniquement du machinois et du malakamb indien comme origine de la pole. Donc je vais un peu expliquer ce que c'est ces agrès et en quoi c'est différent de la pole. Donc le machinois, c'est un poteau qui est plus épais que la pole, qui ne tourne pas, et surtout il est recouvert d'une gaine abrasive. Donc pour pratiquer le machinois, il faut avoir le corps entièrement couvert de vêtements pour ne pas se brûler. Et le malakamb indien, qui est traditionnellement pratiqué par les hommes, mais maintenant ça a évolué, c'est un poteau en bois qui est encore plus épais. On ne peut pas fermer une main humaine autour d'un malakamb. Et alors, il est de forme conique et il est sculpté au sommet, on va dire, en forme de quille. Et donc, ces deux agrès permettent des figures acrobatiques, gymniques, qu'on peut retrouver dans la pole dance, mais il y a carrément aussi toutes sortes de figures, clairement, qui ne viennent pas de là. Et la barre de pôle en métal de 40 à 50 mm de diamètre, pour laquelle il faut avoir peu de vêtements parce qu'on va utiliser la peau pour agripper, ça vient vraiment des strip clubs. Et énormément de vocabulaire de la pôle a été développé par les strippers, strippeuses dans ces strip clubs. L'apport est indéniable. À partir des années 90, c'est là qu'il y a eu les premiers studios qui ont été ouverts justement par des strippeuses, parce que jusque-là, les cours, en fait, enfin les cours, si on peut appeler ça comme ça, quand il n'y avait pas de studio, en fait, les strippers et strippeuses apprenaient entre eux. Ils se montraient des tricks quand il n'y a personne dans le club, ce qui se fait toujours, en fait. Beaucoup de strippers, strippeuses apprennent la pole comme ça sur le tas au sein des studios. Puis des strippers, strippeuses, surtout des strippeuses, ont ouvert les premiers studios pour le commun des mortels. Et ensuite, voilà, ça s'est développé vers ce qu'on connaît maintenant, qui est un loisir qui va être accessible à tout le monde et qui peut se pratiquer totalement en dehors du côté sexy, du côté du strip. Et voilà. Et donc, je me permets de te couper. Bien mais sûr. Donc le développement, parce que c'est vrai qu'on est allé un petit peu vite dans ce début d'épisode, mais le développement de ce qu'on appelle le pôle sport, si je le comprends bien, donc c'est des personnes qui a priori n'ont pas de pratique du travail du sexe, ou en tout cas qui se définissent totalement en dehors de ces pratiques-là, et qui se concentrent sur un aspect vraiment technique. Et d'ailleurs, il y a des compétitions où on demande un enchaînement de figures comme on pourrait le faire par exemple en barre parallèle ou quoi. Tout à fait, oui. Par ailleurs. Tout à fait. D'accord. Et... Alors après, l'hypocrisie peut aller encore plus loin, parce que certains studios vont proposer justement des cours où il y a de la sensualité, où il y a des chorés, où il y a des talons. Et alors là, continuer à maintenir cette distance et ce dénigrement vers les strippers et strippeuses, là, va encore plus loin, dans l'hypocrisie, dans le slut-shaming. Oui, et alors en tout cas du peu que j'ai vu, parce que moi ça fait un an que je fais de la pole, mais ou alors des cours de pole talon ou de pole stripper style, mm-hmm. mais par des personnes qui ne pratiquent pas du tout, mm-hmm. et où en fait on pourrait même parler en fait de d'appropriation culturelle d'une manière. Oui, parce que surtout. Clairement, enfin, quand on voit la réalité du terrain et ce qui est parfois proposé en tant que stripper style, parfois ce qu'on voit proposé comme stripper style est une projection d'un style qui pourrait se faire en club, alors que en club, le plus important, c'est l'interaction avec les clients, c'est de l'impro, et puis voilà, toutes les scènes ne sont pas égales. On s'adapte à chaque scène, et oui, il y a des réalités du terrain qui sont pas du tout prises en compte, en fait. Et justement, pour revenir sur toi et ta pratique, toi, tu pratiques la pole en strip club, mm-hmm. et en cabaret. Oui. Pour toi, c'est quoi les différences ou les points communs qui existent ? Donc là, tu disais déjà qu'en strip club, on est beaucoup plus dans de l'interaction, mm-hmm. et dans de l'impro. Qu'est-ce que tu pourrais définir d'autre comme différence ? Par exemple, des personnes qui vont voir du cabaret et de la pole en cabaret, ce serait quoi les grandes différences ? Alors, pour moi, il y a beaucoup plus de différences que de points communs. Je dirais que le seul point commun, c'est qu'il y a un poteau à un moment et que je danse sur un poteau. Mais pour moi, ce qu'on fait en cabaret, mon métier de performeuse de cabaret et mon métier de stripper n'ont rien à voir. Je vais expliquer concrètement tout ce qui se passe. Donc, en cabaret, le plus important, c'est que ça se limite à la partie spectacle. C'est vraiment très délimité. On vient et on vient livrer un spectacle. En strip club, sur une nuit où je vais être présente pendant 9 heures, quand il y a du monde, je fais 3-4 passages maximum sur le podium de 10 minutes chacun. Donc, c'est-à-dire que sur ma nuit, je vais passer 30-40 minutes maximum à danser quand il y a un podium et quand il y a de la danse, parce qu'il n'y en a pas dans tous les strip clubs. Parfois les pôles sont en privé, et donc là c'est quand un client book un privé qu'on fait de la pole. D'accord, et donc là t'es au bar à boire du champagne et à te faire offrir du champagne jusqu'à ce que quelqu'un te book. Alors, en très résumé. Jusqu'à ce que quelqu'un me... Alors, si tu bois du champagne, c'est que tu as déjà été booké. C'est que tu as été booké, d'accord. pour boire du champagne. Ah oui, d'accord. Je ne bois pas du champagne pour le plaisir. oui, la plupart... tout le reste de la nuit, ça va être d'aller démarcher le client, parce que c'est ça qu'on fait. On va démarcher le client pour essayer de vendre des services. Et les services, c'est des lap dance, des privés. Et alors, il peut y avoir aussi du champagne, mais moi, voilà, c'est pas ce que je préfère, le champagne, quoi. Donc, c'est surtout... On parle beaucoup plus de temps à parler et à être sur les genoux des clients qu'être sur une pole. C'est un fait. Être strippeuse, c'est un métier social qui demande énormément d'intelligence émotionnelle, qui demande de l'empathie, qui demande des capacités de conversation, de répartie. Il faut toujours avoir quelque chose à répondre, en fait, peu importe le sujet de conversation, et ce, dans plusieurs langues. Finalement, la pole, je vais pas dire que c'est secondaire, mais certaines filles, j'utilise filles pour strippeuses parce que c'est comme ça qu'on dit dans le milieu des girls, donc je vais utiliser filles. Y a des filles qui ne font pas du tout de pole quand elles sont sur le podium. Elles vont par exemple faire du twerk ou juste du floor work, mais où il n'y a pas de pole par exemple. Ouais, elles sont tout autant work, elles sont tout autant strippeuses, oui. Ouais. Et donc du floor work, c'est simplement de la danse au sol. Oui, au sol, sur le bar, sur le podium, c'est ouais, c'est ça. Très bien. Et alors, si un client te book pour un privé, mm-hmm. de pole, oui. Pendant 5-10 minutes, tu... Non. 5-10 minutes. Moi, on ne fait pas des privés de 5-10 minutes. C'est combien de temps, alors, un privé ? Ça dépend de combien il paye, mais privé, c'est à partir d'une demi-heure. D'accord. Oui. Et alors, tu t'accordes sur ce que la personne a envie que tu fasses? En fait, en privé, alors c'est toujours la grande question. Que se passe-t-il en privé ? En fait, en privé, il se passe tout ce qu'on veut. dans le respect de certaines limites. Les limites sont propres à chaque club et sont propres à chaque travailleuse, évidemment. Mais, donc, évidemment, il y a tout ce qui est lap dance, conversation. Parfois, les gens veulent juste un câlin. Parfois, il y en a qui me demandent un massage. Une fois, j'ai fait un petit pique-nique à l'étage. Une fois, il y a quelqu'un qui a payé pour faire une sieste avec sa tête sur mes genoux pendant que je lui caresse les cheveux. Une fois, quelqu'un m'a proposé de me payer pour que je fasse une sieste avec lui, mais je dors pas sur mon lieu de travail en présence d'inconnus, ne faites pas. Il y en a qui me bookent et qui veulent plus des choses un peu plus domina. Donc voilà, parfois on peut être booké pour passer une demi-heure à donner des gifles à quelqu'un. Ou parfois il y en a qui veulent nous masser les pieds. Ça dépend de chacun. Chaque client est différent. Mmh. Ouais. Et alors pour revenir plus sur la pole. Que j'avais encore des choses à dire sur les différences. Parce qu'on n'a pas encore tout abordé, mais par exemple au cabaret, ce qui est aussi très important, c'est que donc comme j'ai dit, on fonctionne, on va faire un spectacle. Les numéros sont écrits, ils sont préparés. Il y a un travail d'intention, il y a un travail de création d'univers. Ça demande de la préparation. On va passer déjà beaucoup de temps à préparer sa valise, à faire les costumes, à apprendre, à répéter. Il y a les préparations techniques avec la régie. Il y a tout le maquillage qui va prendre du temps. On s'accorde aussi avec les autres performeuses de ce soir parce que c'est un projet, on va dire, d'équipe. Littéralement, quand je suis strippeuse, le jour même, on va dire 2 heures avant, je me rase, je mets 3 strings et 3 paires de talons dans mon sac, une barre protéinée, j'arrive et quand il y a des moments où je dois aller faire de la pole, c'est de l'impro. Et c'est pas forcément, ça dépend des clubs de nouveau, mais il y a des clubs où tu ne choisis même pas ta musique. Donc il n'y a pas de préparation. C'est aussi ça que j'aime bien, de pouvoir un peu être dans l'impro et dans le direct. D'être juste dans l'intuitif du moment, c'est aussi quelque chose que j'adore. Et est-ce que tu as déjà des impros que tu as faites en club qui t'ont inspiré des numéros ? Oui. Ouais. Oui. Bien sûr, il y a des numéros que j'ai faits en cabaret. De toute façon, je pense que beaucoup de mes numéros que je fais en cabaret sont infusés de ma pratique de strippeuse. Pour moi, quand je viens avec mes talons qui sont tout élimés parce que j'ai fait des nuits et des nuits au club avec, je prends cette part, en fait, cette part de moi et je l'amène sur le cabaret et je fais des mouvements que je vais faire en club et je peux apporter, on va dire, un discours, un sens où je vais parler de patriarcat, je vais parler d'appropriation de son corps. Clairement, j'ai des numéros même qui ont été créés entre guillemets en strip club, quoi. Et alors justement, t'as performé à la fête de fin de saison de Frix et Merveille début mai, c'était vraiment super. Et je me souviens d'un moment où t'as fait une performance justement inspirée de ta pratique en strip, où quelqu'un devait te défaire ta robe, et tu es resté littéralement 10 secondes près de la personne du public à faire. Vas-y, défais-moi ma robe. Est-ce qu'il y a des codes ? Est-ce que par exemple, en strip, c'est les codes, si en fait tu viens près de quelqu'un de dos, évidemment la personne va. Alors, pas évidemment, mais les gens vont plus comprendre. Moi, ce que j'adore, c'est qu'au moment d'enlever mon soutien-gorge, j'adore venir m'asseoir sur le bord du podium et demander à un client de m'ouvrir le soutif parce que c'est le moment. Ils ont toute la pression du monde parce que quand un homme doit faire ça devant d'autres hommes, il y a ce moment de toute cette pression. Oh mon Dieu, je dois ouvrir un soutif. Oui, en tant que personne assignée garçon. Oui, c'est ça. Et quand ils y arrivent, tout le monde applaudit. Yes, yeah, super champion, tu l'as fait. Ça, j'aime bien. Mais oui, ils vont comprendre. Alors que j'ai essayé ça dans le cabaret. Donc, je me suis assise sur les genoux de cette personne. Je lui ai indiqué, Je pensais lui avoir indiqué clairement. Pardon, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. Et rien ne se passe. Et je me retourne et cette personne a un grand sourire émerveillé et tellement d'étoiles dans les yeux. Bon, je vais le faire moi-même. Oui, je pense qu'on... Et pourtant, ce que j'aime dans le cabaret, c'est aussi ce côté interactif. Mais je pense que c'est clairement que le public s'autorise moins. On n'est pas sûr. C'est pas les mêmes codes. Oui, et puis en cabaret, notamment en cabaret queer, de plus en plus, on met vraiment un point d'attention en début de show à dire on ne touche pas les performeurs sans leur consentement. Voilà, cette espèce de respect de l'intégrité. J'imagine, mais en même temps, je ne sais pas du tout, en strip, il y a moins cette... Alors, pour moi, le respect du consentement, il est partout et il va dans les deux sens, toujours. C'est-à-dire que si je vais faire une interaction avec un public, je vais toujours m'assurer du consentement de la personne avant. Et c'est-à-dire, c'est pas forcément verbal. Il y a énormément de choses qui passent par le côté non-verbal. Un échange, j'ai toujours un échange de regard avec la personne avant de venir faire une interaction. Je ne vais pas venir m'asseoir sur les genoux d'une personne si je n'ai pas senti que dans son langage non-verbal, cette personne était ouverte à ça. Et pour moi, dans le strip club, c'est exactement pareil. Parce qu'il faut savoir qu'avant un lap dance en strip club, on n'a pas du tout de discussion sur le consentement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va se faire dans le non-verbal où moi, je vais être très attentive à sentir, à ne pas mettre mon client mal à l'aise, à savoir, OK, essayer de sentir de quoi il a envie. Les clients ne savent pas forcément eux-mêmes de quoi ils ont envie. Et donc, on y va graduellement, on voit, on s'autorise mutuellement. Si la personne ne sait pas si elle peut me toucher ou pas, si je vois qu'elle est hésitante, en fait, il n'y a pas forcément d'échange verbal. C'est moi qui vais prendre les mains de la personne, voir comment il réagit. Et pour moi, le consentement, c'est vraiment quelque chose qu'on navigue petit à petit en étant dans l'écoute constante de tous les signaux de l'autre. Et c'est un checking constant. Ok. Oui. Super. Et donc, je vais pas toucher des clients si je les sens pas ouverts à ça. Trop ouais. Bien, ouais. Merci. Est-ce que tu as encore une petite différence ou point commun à pointer entre cabaret et strip, ou est-ce qu'on se lance dans la première interlude musicale? En fait, moi, je dis toujours, pour moi, par exemple, aller performer en show, c'est, si je fais 3 numéros sur la nuit, je le vis comme faire 3 sprints. Il y a cette préparation, on donne tout. Pendant 5 minutes, c'est fini. Quand je suis au club, ça va être 9 heures non-stop. Donc, c'est plutôt comme courir un marathon. Ok. Ouais. Eh ben, merci pour cette belle image. On passe à ta première recommandation musicale du jour. Et évidemment, fidèle à ton nom et à ton esthétique, tu nous proposes un vrai rituel de sorcière, un vrai rituel satanique pour... Tout à fait. Comme première interview musicale, il s'agit de Masked Ball de Jocelyn Pook. Une belle écoute à vous et on vous retrouve juste après ça. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Bien, nous réatterrissons après ce... Oui. Après ce rituel. Après ces chants grégoriens à l'envers. Mais oui, c'est assez formidable. Pour eh bien, parler de ton parcours à toi, parce qu'en me renseignant, en préparant ce numéro, j'ai été faire un petit tour sur les internets et j'ai vu que tu avais un épisode qui t'était dédié sur Paulcast, qui est un podcast de Paul, surtout orienté pour le sport, justement, où j'ai appris notamment que tu avais commencé dans le cinéma comme réalisatrice. Mais vous savez tout. T'as vu ? Rien ne vous je échappe. Fais un peu mon boulot. Qu'est-ce qui t'a amené depuis le cinéma et la réalisation en cinéma vers le cabaret et le strip ? Eh bien, je suis tombée dans la marmite, comme Obélix, totalement par hasard et sans le vouloir. Je travaillais donc dans le cinéma, et notamment je travaillais sur un tournage où j'ai rencontré Daphne Wynne, qui à l'époque était performeuse burlesque sous le nom de Winnie Peltz, comédienne, d'où sa présence sur un plateau de cinéma, d'ailleurs elle est toujours comédienne, et professeure de pole dance. Actuellement, on la trouve plutôt en tant que influenceuse, stand-upeuse. Daphne Beach. C'est ça. Elle a petite page de promo pour son spectacle Bimbosophie. Dans lequel elle fait de la pole, si j'ai bien voilà, dans laquelle elle fait de la pole. Extraits. Tout à fait. Donc, à l'issue de ce tournage, Daphné nous a donc proposé de faire une initiation de pole. Je n'étais pas du tout sportive. Enfin, je n'avais jamais fait de sport ni de danse et surtout, je ne connaissais rien de la pole. On est en juin 2018. Moi, je n'ai pas eu Instagram avant 2019. Je n'avais jamais vu de pole en dehors de quelques scènes furtives dans des films américains, dans des scènes de strip club. Au début, je le sentais pas trop. J'ai failli annuler plein de fois. Et parce que pour moi, c'était quand même sortir d'une zone de confort énorme. J'allais devoir mettre mon corps en mouvement. Mais voilà, et bon, j'anticipe un peu sur une des questions rituelles du podcast, mais tu dis aussi dans cet épisode que à l'époque, tu n'avais pas vraiment de rapport à ton corps. Non. J'étais une antello. Je le répète, je n'ai jamais fait de sport avant ça. Je me disais que j'allais être ridicule. Mais j'y étais parce que je devais procrastiner l'écriture de mon mémoire. J'y étais. Et pour l'anecdote, on était trois à cette initiation, trois personnes qui travaillaient sur le même tournage, dont Daisy Superbitch, qui vient aussi du monde du cinéma. On se connaît depuis, je pense, 12 ans avec Daisy, et qui est devenue drag queen, comme quoi. Donc, je suis arrivée à cette initiation et après un échauffement extrêmement douloureux, voilà, j'ai donc dû faire mes premiers pas de pole. Et là, ce que je vais dire va paraître un petit peu mystique, mais c'est la pure vérité. On a appris les body waves et alors j'ai eu une vision d'une créature aquatique, sirène monstrueuse, dévoreuse de cœur d'homme. En gros, j'ai vu l'amorigasme, mais je ne le savais pas encore. Et je n'avais absolument pas les codes pour savoir quoi faire de cette inspiration, parce que je n'avais jamais vu donc de pole ni de numéro de cabaret. C'était en juin 2018. Voilà qu'en septembre 2018, Daphné nous invite à son célib anniversaire. Encore elle, décidément, merci. Au cabaret Mademoiselle. Et donc là, littéralement, je découvre pour la première fois du burlesque, du cabaret, des dragues. Je sors vraiment de la cambrousse de mon ignorance. Et d'ailleurs, le premier artiste que j'ai vu sur scène est Alexei von Vossilius. Et il s'est passé quelque chose en moi. J'ai eu des paillettes, des pétales et des étincelles dans les yeux. Je crois à peu près 2 semaines plus tard, j'entends qu'il y a un appel à candidature pour des numéros de pole pour quelque chose qui s'appelle le Brussels Art and Pole Show. Et je me dis, allez, j'envoie une candidature et j'y vais au bluff. Je n'envoie pas de vidéo parce que je n'ai pas de numéro, je n'ai pas de vidéo, j'ai juste une idée dans ma tête. Ça fait 3 mois que je fais de la pole, donc je sais à peine tenir sur mes quilles, quoi. Donc voilà, j'ai prétexté une excuse pour je ne peux pas enregistrer de vidéo pour le moment, mais j'ai été prise. Voilà, janvier 2019, je monte sur la scène pour la première fois. Il se passe quelque chose. J'ai envie de continuer, mais pas de bol, c'est le confinement. C'est le confinement et donc je dois attendre 2 ans, voilà, pour finalement faire d'autres scènes. J'ai fait Curiosity, j'ai fait le Cab Lab, j'ai rejoint la troupe du cabaret Mademoiselle. Et je ne pouvais pas continuer à faire une carrière scénique et une carrière dans le cinéma. Il a fallu choisir. J'ai suivi mes tripes et après, je me suis un peu, si je réfléchis à pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi est-ce que la scène m'a autant appelée. Je pense que c'est un rythme de création qui me convient mieux, parce qu'il faut bien expliquer comment ça se passe dans le cinéma, comment ça se passe dans la scène de cabaret. C'est que dans le cinéma, pour faire un film, il faut des années d'écriture, de préparation de dossier. Il faut donc beaucoup de temps, beaucoup de gens, beaucoup d'argent. Et il faut aller toquer à des portes, rencontrer des panels de juges, de gens de commission, de producteurs. Et quand on a des sujets où on veut faire des films qui vont parler de genre, de féminisme, d'existence queer, de travail du sexe, on se retrouve face à des gens qui n'ont pas du tout les clés pour comprendre ça, et il faut déjà un peu leur expliquer ce qu'on veut faire. Ça prend du temps. Et tout à coup, j'arrive dans un milieu où en fait on me donne carte blanche au cabaret Mademoiselle. Et moi, je me souviens, quand j'ai rejoint l'équipe, j'avais envoyé un énorme mail, mais vraiment un dossier de présentation de tous mes numéros à Boop, en disant voilà, alors il y a ça et ça veut dire ça et tout. Et Boop m'a répondu, en fait tu fais ce que tu veux. et en tant qu'artiste, avoir carte blanche, c'est incroyable. Je pense que c'est le rêve de chaque artiste au final, d'avoir carte blanche. Mais attention, quand je dis carte blanche, faut que ce soit qualitatif. Évidemment, il y a des attentes, il y a une pression, mais j'étais au bon endroit pour parler des sujets dont j'avais envie de parler, qui sont les existences queer, les questions de genre, les questions de féminisme, de travail, du sexe. Et alors le rythme de création, parfois on te demande de créer un numéro en 2 semaines, parfois on se retrouve en groupe à 1 heure du show, et encore quand je dis 1 heure, parfois c'est 10 minutes, à monter un numéro de groupe dans une espèce d'énergie, de frénésie comme ça, créatrice. Et moi je pense que c'est un rythme qui me convient mieux, parce que je travaille très bien dans l'urgence, sous pression, dans une émulation comme ça de créativité et à l'instinct et aux tripes. Donc voilà, c'est quelque chose qui tout à coup m'embarque et que je trouve très grisant. Mais maintenant, après quelques années, là je me retourne un peu plus vers des productions plus longue. Là, fin de mois, c'est donc septembre, je commence une résidence pour un show qu'on va faire en collectif, qu'on n'attend pas avant un an. On va faire de l'écriture pendant un an. Il y a vraiment des projets, voilà, avec des... J'arrive dans le milieu de la scène que moi, je ne connais pas du tout. Dans les projets théâtraux, où voilà, là, c'est des agendas qui se prévoient à l'avance. Je commence à arriver. J'ai une proposition de refaire un court-métrage, donc je reprends un peu ce rythme, mais je sais que maintenant, je veux, pour contrebalancer ce rythme long, je veux aussi des projets, folie, on monte un numéro de groupe d'Halloween avec la veuve et Chéri Chaptique 10 minutes avant de monter sur scène, et hop, c'est parti, tu attrapes un boa, j'attrape une épée, et en fait, on va faire un truc bien. Waouh. Et puis, j'entends que tu dis que tu te retournes vers des projets théâtre ou court-métrage ou quoi. Mm-hmm. C'est aussi, du coup, des projets où, a priori, tu te mets au service de l'esthétique ou des envies ou des besoins de quelqu'un, quelqu'une d'autre, même si tu t'amènes ta marque. Ou bien c'est quand même des projets où tu tiens à garder au moins le droit à avoir un mot sur la direction artistique et sur la direction du projet. Alors, je pense que ce qui est très important de placer, c'est que même si tous mes contrats en soi sont déclarés en tant que danseuse, je ne suis pas danseuse interprète professionnelle, dans le sens, j'ai pas une formation j'ai pas une formation d'interprète. Mon point fort, c'est ma créativité. Donc, enfin, ma créativité, on se comprend. Bah oui. Oui. Donc, en fait, le et fait... Tu coûtes oui. Certaines tout de tes tenues, c'est toi qui les coûts, c'est toi qui les fais. Mais ça, c'est pour des questions d'argent. Tout le monde ne fait pas même quand il y a des questions d'argent. Mais en fait, voilà, je pense qu'un projet qui a besoin d'un ou d'une interprète ne va pas forcément se tourner vers moi. Je ne vais pas être la meilleure personne pour ça. Et les personnes qui m'appellent sont des personnes qui justement s'intéressent plus à ce que je peux apporter en tant que mise en scène. Donc j'ai pas encore eu de projet où on me demande d'être juste entre guillemets interprète ou danseuse. Ça a toujours été des créations collectives où j'apporte des choses à ce niveau-là. Et alors, par ailleurs, tu es prof. Oui. Tu es prof de pôle technique, mais aussi de créativité, de création, etc. Qu'est-ce que ça... Et puis aussi de lap dance et de... Voilà. À part, j'imagine quand même, une petite stabilité financière, qu'est-ce que ça t'amène d'être prof? Alors, c'est toi qui parlais de ça tout à l'heure. Tout le monde... alors, c'est marrant, mais tout le monde pense que les cours sont... qui rapporte de l'argent, mais c'est ce qui rapporte le moins d'argent. C'est plutôt du hobby de donner cours, sauf si vous donnez beaucoup de cours, mais moi je donne pas assez de cours pour que ce soit vraiment ça m'apporte pas de stabilité financière, non. Ça achète le beurre pour mettre dans les épinards. Donc je donne cours de pôle technique, clairement, de lap dance, comme tu l'as dit, de strip, de pôle sensuel, de pôle choré, de chair dance, de coaching de création. Je pense que c'est à peu près tout. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, quand j'ai vu cette question, je ne savais pas quoi répondre, à part c'est tout pour moi, c'est toute ma vie. Donner cours... C'est la seule chose que je n'ai jamais arrêtée et je pense que je n'arrêterai jamais. J'ai eu une longue maladie où je n'étais même pas capable de me faire à manger. Et donner cours est la seule chose que j'ai continué. Donc en fait, quand j'étais au plus bas de la maladie, je faisais que dormir. Et puis les seuls moments où je sortais de mon lit et que je sortais de chez moi, c'était pour aller donner cours. Je n'arrête jamais. Je n'ai jamais arrêté. Et même parfois, si je prends des breaks d'autres choses, comme la scène, donner cours est la chose que je n'arrête jamais. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Je pense que c'est une position hyper privilégiée qu'on a de participer à l'éclosion de personnes, au cheminement de personnes. C'est toujours une espèce de petit miracle. C'est un peu... je ne sais pas comment le décrire, mais c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Et comme je suis prof depuis suffisamment longtemps, maintenant, j'ai d'anciens élèves qui sont devenues performeuses, qui ont ouvert leur studio, qui sont elles-mêmes devenues profs. Je prends des cours avec d'anciens élèves. Ça, je trouve, oui, il y a un truc où d'un côté ça me comble de fierté parce que quand l'élève dépasse le maître, tu dis ah ça y est, j'ai fait le poussin prend l'envol. Non, les poussins ne volent pas, pardon, mais et en même temps, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que le professeur est évidemment que juste une partie de la machine, mais quel plaisir de faire partie de cette machine et chaque élève, parce que là, j'en ai eu des centaines. Chaque élève m'a apporté de la fierté, même le moindre petit progrès. C'est comme ce que je dis aux élèves. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu as gagné un millimètre sur quelque chose, mais c'est un millimètre de plus que le jour de ta naissance, en fait. C'est ça, la magie de la pratique. Plus tu pratiques, et plus tu vas t'améliorer, même si c'est tout petit. Moi, je le vois et je suis là pour le dire à l'élève qui ne le voit pas forcément. Eh ben merci. Non, c'était très beau. Ben, étant moi-même pédagogue, ça me parle beaucoup de tout ce que tu dis, mais merci à toi de le dire. Eh bien, puisque le temps file, nous allons prendre le temps d'infuser tout ce que tu viens de nous dire avec un deuxième interlude musical. Et pour ce deuxième interlude musical, ce que tu nous amènes, c'est L'Orage de Ron et Laura Etchegoyen. Belle écoute tout le monde, et on revient juste après ça. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Mais tu performes aussi dans des lieux et oui, dans des lieux plus alternatifs et pour des concepts un peu plus perchés. Tu as aussi notamment un concept où vous réinterprétez des classiques de Disney à la sauce queer, Draguna Matata. Exactement. Que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais j'ai très très hâte. Oh. Qu'est-ce que tu places toi comme regard sur le cabaret queer actuellement à Bruxelles et en Belgique? Je pense qu'il faut replacer que moi j'ai commencé après le déconfinement, donc on va dire en 2022, pile au moment où il y a eu justement le boom de scènes, de scènes drag surtout. Donc moi je suis pas je pose pas un bon regard en tout cas sur l'évolution de la scène, parce que tout ce qu'il y a eu avant, je l'ai entendu de la part des vieux de la vieille et des vieilles du vieux. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vécu, parce que comme j'ai dit avant, j'étais vraiment dans la cambrousse de l'ignorance, j'étais pas du tout dans cette culture là donc moi j'ai vraiment ce regard qui arrive, qui est très récent au final. Donc, qu'est-ce que je porterais comme regard sur la communauté queer ? Je suis déjà, je suis contente qu'elle existe. Pour avoir vécu la majorité de ma vie sans ces représentations, tout à coup, je découvre ça et c'est un tsunami de bonheur, d'étincelles, de beauté. Je ne m'en lasse pas. J'aime le fait de voir des choses qui sont plus glam, des choses plus alternatives. Ça m'émerveille beaucoup. Ensuite, dans la scène queer, on va dire post-drag Belgium, j'aimerais voir plus dans les grands spotlights plus de kink, plus de créatures, plus des choses qui sont entre les lignes. Plus de pôles, voilà, je prêche pour ma chapelle, mais plus de disciplines, des choses qui se mélangent, plus de formes d'art qui viennent des communautés de couleurs comme le voguing. Quand j'ai vu le voguing à Freaks et Merveilles, ma mâchoire était par terre et je comprends pas pourquoi on en voit pas plus en fait. Oui, je pense qu'il y a encore tellement de richesses et que pour le moment, dans les grands spotlights, il y a une petite pointe d'iceberg, mais sous l'eau, il y a encore tellement de choses qui méritent de flotter à la surface. Est-ce qu'en fait, il existe une scène de pôle dont nous... Bah alors, moi, je fais principalement du drag, c'est cette scène-là que je connais le plus. Est-ce qu'il existerait une scène de pôle alternative dont on n'aurait pas conscience dans les cabarets drag? Est-ce qu'il y aurait des sabbats où vous montez sur des barres d'acier et d'inox entre vous, sans le dire aux autres? De chrome, par... Alors, dans le milieu de la pôle, quand on parle vraiment de scènes qui vont être 100% pôle, performance, c'est vraiment le circuit des compétitions. Et quand on dit compétition, bien sûr, il y a les catégories qui sont vraiment acrobatiques dans la performance gymnastique. Mais il y a aussi des catégories plus artistiques. Je pense au pôle théâtre. Je sais qu'il y en a un au UK. Oui, parce que juste, pardon, pour, c'est vrai que pour recadrer, ça c'est un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais il y a toute une catégorie pôle sport qui se développe avec des compétitions comme en fait, si je comprends bien, des compétitions en fait de gymnastique. Tout à fait, oui. Avec des catégories amateurs, semi-pro, pro, etc. Et donc là-dedans, il y a des catégories en fait, qu'on pourrait dire artistiques. Oui, c'est ça. On vient en tenue, où il y a une musique qui passe. Oui. En fait, c'est des numéros, mais. C'est ça. Et tu as aussi les catégories dites exotiques. Bon, après, je pense qu'il faut un peu se distancier. On ne va pas rentrer dans le débat par rapport au terme exotique, mais on va dire plus sexy en talons. Donc, il existe, mais alors ça reste, même si ce n'est pas forcément pour des énormes prix, ça reste quand même un peu une logique de compétition dans le sens où. Ce sont des artistes qui s'inscrivent, souvent qui payent pour participer, et chacun passe une fois, c'est vraiment un talent showcase, on va dire. C'est pas une logique où des organisateurs veulent faire un show avec un tout artistique, avec une narration du début à la fin, et où on va aller chercher des interprètes et les rémunérer en tant que performeur. Donc c'est vraiment ce modèle d'économie de compétition. En Belgique, en tout cas en Belgique francophone, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais de toute façon, en fait, moi, je ne fais pas de lobby pour qu'il y ait des scènes 100% pôles. Moi, je trouve qu'on gagne à se mélanger avec les autres. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir la pôle qui arrive... dans les shows burlesques, dans les shows drag, parce que comme je disais plus tôt, la pole c'est seulement un agrès. Moi j'ai un peu ce moi j'ai cette position de tout le monde peut en faire. C'est ce que je prône un peu dans mes cours, par exemple de pole expression. C'est tu peux venir à ce cours là sans jamais avoir fait de pole avant, et en fait on va venir intégrer la pole. Ce poteau-là à ta pratique artistique plutôt que l'inverse. Donc moi, je suis pour qu'on ramène des pôles dans d'autres scènes et qu'on se mélange. Ouais. Après, moi, enfin, j'ai l'impression, après ça que j'ai jamais posé la question à personne, mais j'ai l'impression que la grosse réticence quand on veut engager des pôleureuses, c'est ben, la technique de la pôle. Mmh. Soit il faut... une pôle qui tient en haut et en bas et du coup il faut un plafond qui le permet, etc. Ou bien alors il y a ce pôle podium. Alors après, bah, par exemple toi quand t'es venu performer à Frix et Merveilles, t'as amené ta pôle podium, qu'on appelle ça, c'est-à-dire les pôles avec l'espèce de socle en fonte. Ouais. Et ça se monte en fait assez vite. Oui. Alors pour la petite anecdote, moi chez moi je monte et je démonte ma pole à chaque fois que je veux en faire et je me suis chronométrée. Ah bon ? La dernière fois je l'ai fait en 3 minutes 30. Oh waouh ! Ouais. Et je pense que je peux aller encore plus vite, mais c'est le temps, c'est moins qu'une chanson en fait. Mais oui. Mais alors oui, les organisateurs se disent que ça va être très compliqué logistiquement. Et je comprends que quand on est organisateur, on a déjà tellement d'autres chats à fouetter que se dire oh je vais pas gérer ça en plus. Mais il faut vraiment pas avoir peur parce que souvent, bah, comme tu dis, les pôleurs, les pôleuses ont l'habitude de gérer leur propre matériel. C'est-à-dire que... Ils peuvent l'amener, genre... Oui, c'est toi, ça. Toi, tu m'as dit, voilà... Ah, tout à fait. En contre fait, un certain sait, prix. On se connaît entre nous. On sait qui a des pôles à prêter. On se débrouille toujours, en fait, pour l'amener, pour la monter, pour la démonter, pour la remballer. On est vraiment autonome, mais parce qu'on a dû être autonome, parce que sans ça, en fait, on ne bosse pas en pôle. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et alors, c'est toujours sympa s'il y a un budget quand même qui est pris pour ça. Parce que souvent, on nous dit, oui, il n'y a pas de budget et on a juste le même cachet que tout le monde. Sauf que on a quand même toute cette manutention, en fait, on va dire, du matériel. Tout ce transport, c'est quand même du boulot en plus qu'une personne qui vient avec sa petite valise et ses petits costumes dedans. Ouais, et puis j'imagine que ça coûte une pole. Oui, ça coûte aussi à entretenir. Oui. Ouais, tout à fait. Bah déjà, à l'achat, c'est combien environ une pole podium Pole podium prévoit un budget tout compris de 1000 euros en gros. Ouais. À l'achat, c'est l'objet en lui-même, il tourne autour des 800. Là, je parle de X-Pole. Mais après, forcément, il y a la livraison et ça ne se met pas, ça se met pas dans une petite boîte avec du papier bulle. Donc moi, je sais que j'avais, quand j'ai acheté la mienne, j'avais mis un gros 1000 euros dedans. Quoi. Ouais, donc ça doit se rentabiliser quand même. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Bah, c'est logique, il y a l'entretien. Il ouais. faut très bien l'entretenir. Ben oui, parce qu'en plus, toi, c'est ton outil de travail ouais. que tu utilises chez toi pour travailler tes numéros et tout ça. C'est ça, oui. Et parce que ce que je vois aussi beaucoup, ben, par exemple, là, je vais très bientôt organiser un show et la personne, et il y aura des pôles heureuses qui m'ont tout de suite dit, mais du coup, est-ce que tu veux des numéros avec ou sans pôle ? Oui. Donc, on sent que chez les artistes pôles heureuses, il y a aussi cette logique de... Peut-être que parfois je vais être engagé dans un endroit où il n'y a pas de pôle, même si officiellement je me présente ou je suis présenté comme une pôle heureuse. Mmh. Et du coup, vous ajoutez très rapidement à votre répertoire des numéros qui peuvent se faire sans pôle. C'est obligé. C'est obligé. Si tu n'as que des numéros de pôle, tu auras forcément beaucoup moins d'opportunités de travail. Il faut avoir... des numéros sans pôle, toujours. Et moi, dans tout mon catalogue de numéros, je pense que j'ai plus de numéros sans pôle qu'avec pôle. Mais malgré ça, comme on me met dans la case pôle danseur, on va pas forcément penser à moi en se disant « Ah mais non, cette personne fait de la pôle, donc cette personne ne fait que de la pôle, donc on va pas la booker. Mmh. » ouais. Toi, justement, tu t'es un couteau suisse de... Oui, mais en fait, mes premiers numéros étaient sans pôle. Enfin, mon tout premier numéro, Mephistopheles, est avec une chaise d'église. Oui. Juste que j'amène ma chaise d'église. Et j'ai un numéro avec une baignoire. Hein. Eh bien, merci, le retour. Donc, on va déjà passer aux questions rituelles avant de te laisser repartir vers tes aventures multiples et merveilleuses. Alors, tout d'abord, sans la pôle, bon, on en a un petit peu parlé, mais sans la pôle, tu serais devenu qui ? Tu serais devenu quoi ? Peut-être que je serais toujours dans le cinéma, mais non, j'aurais arrêté. En tout cas, la manière dont je faisais du cinéma, j'aurais changé. Pour la petite anecdote, et là on va revenir à la origin story. Back in the days. Oui, quand j'ai déménagé dernièrement, donc je vous raconte, on va vraiment loin. J'ai déménagé dernièrement et j'ai retrouvé ma farde avec tous mes bulletins de l'école de quand j'étais petite. Et notamment, j'ai retrouvé les résultats de mon test d'orientation que j'ai fait quand j'avais 12-13 ans. Et test d'orientation me disait que j'avais... le plus, on va dire, j'étais plutôt destinée aux arts du spectacle et à tout ce qui est social. Ah bon ? C'est bizarrement. Et en fait, donc, il y a eu ces résultats qui sont sortis. Alors, ça a été complètement brossé de la main par les parents et l'école. Alors, l'école, je pense, c'est parce qu'ils ne veulent pas t'envoyer au casse-pipe d'un métier précaire. Donc, l'école m'a dit « va en journalisme ». Ok. Tu aimes t'exprimer, va en journalisme. Et en fait, pour les parents, c'est encore différent. C'est que je viens, on va dire, d'un milieu où on avait le complexe de notre classe sociale. Et ma famille voulait vraiment qu'on s'élève, on va dire, socialement. Et comme moi, j'étais douée à l'école, ben en fait, la responsabilité était sur mes épaules. Je devais être celle qui serait la première à faire des études universitaires de tout l'arbre généalogique. Et donc, on m'a absolument poussée à faire ça. Donc, je me suis... Eh ben voilà, malheureusement, voilà. Désolée. Enfin, Désolée. Et donc, finalement, je suis quand même une certaine banque. T'as essayé d'être universitaire, d'être... À peine parce que j'ai jamais été... j'ai fait une haute école, mais j'ai jamais été à l'UNIF. Mais en tout cas, mes parents m'ont poussée à fond dans tout ce qui est les cursus scientifiques, etc., en espérant que j'aille là-dedans. Enfin, pas en espérant, en exigeant que j'aille là-dedans. Et au final, il m'aura fallu plus d'une dizaine d'années pour finalement me retrouver saltimbanque. Et quand je revois, quand je retombe donc sur ce test d'orientation, je me disais, bah voilà, en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Et oui. Oui. Alors, si tu as tout le budget du monde pour organiser un show, qu'est-ce qui se passe ? Tout le budget du monde. Alors là, tu me fais rêver. Alors là, si tu me donnes tout le budget du monde et qu'il n'y a pas de limite, là, j'y vais à fond. Alors, je pense que déjà, je prends un lieu excessivement bien et bien gardé, genre Notre-Dame de Paris. ou la chapelle Sixtine. Vraiment des lieux qui, moi, me font rêver, mais où on peut pas rentrer comme ça. Enfin, je veux dire, en tant qu'artiste. Et alors là, en tant que... Ou alors Buckingham Palace. Et là, on... Oh là là, je prends tous les artistes que je veux. Si t'as pas de restrictions budgétaires, t'as pas besoin de tête d'affiche. Donc, en fait, tu peux aller chercher des performeurs, des performeuses qui ont moins d'opportunités, mais qui font du travail quali. Tu peux... je mettrais des points de suspension. Il y aurait de l'aérien. Il y aurait des gens qui descendent avec des trapèzes, avec des tissus, avec oui, des cheveux. Points de suspension, genre des accroches dans les murs. Ouais, moi je voyais des trop petits points. Et du coup, les points pour suspendre. Oui, d'accord. Avec des cordes. Et on amènerait plein de disciplines différentes. J'apporterais du fucking, j'apporterais de la pole, du drag de tout. Et je pense que je ferais un spectacle qui dure 24 heures. Que la journée, ce serait family friendly. Et puis après 20 heures, là, on pourrait y aller sans limite. Et et je pense que égoïstement, je ne performerai pas. Et je travaillerai sur l'orga en amont. Mais par contre, le jour J, j'embaucherai des gens qui sont très doués pour gérer le jour même. Comme ça, je pourrais juste profiter, regarder. Ah ouais, donc ouais. Tu voudrais pas être sur scène? Mais en fait, si tu me donnes le budget du monde, ouais. Comme ça, pour un show, et qu'il n'y en a qu'un, et que je fais ma farandole de performance sur 24 heures, moi, je ne dors pas pendant 24 heures et je veux tout voir. Surtout si c'est des artistes que j'ai été chercher. J'adore. Si c'est des artistes que j'ai été chercher, que j'ai réunis, et que je leur donne une plateforme, j'ai envie de tout voir. C'est toujours frustrant quand tu es organisateur ou performeur. Tu bookes des gens parce que t'aimes leur travail, tu veux voir ce qu'ils font, et en fait, comme toi, tu bosses, t'as pas l'occasion. Donc là, tu me donnes tout le budget du monde, ça me permet d'engager des gens qui feront un super, super boulot d'orga. Et puis, je dors pas pendant 24 heures et je regarde. Trop bien. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi ? Oh, mon Dieu. Oh, c'est dur. Malheureusement, oui, mais pas de la bonne manière, parce que autant je suis dans un milieu qui va prôner le body positivisme, qui va prôner peu importe nos capacités, on va dire nos prouesses artistiques, on peut proposer des choses bien, autant je peux pas nier que mon corps est devenu mon outil depuis que j'ai commencé ce travail. Et moi, c'est un rapport que j'ai jamais eu avec mon corps parce que j'ai jamais fait ni de danse, ni d'art performatif, ni même de sport, en fait, avant de découvrir ce milieu. Donc, je suis passée d'un rapport où j'ai une vie qui est 100%... un travail qui est 100% intellectuel à un travail qui est énormément dans le physique. Et j'ai pas eu vraiment de... Comment dire de temps d'adaptation entre les deux. Et j'ai pas pu vraiment profiter de ce côté body positivisme parce que actuellement mon corps est un outil, est une machine, et donc je lui demande d'être performant, je l'entretiens comme une mécanique, je dois avoir une hygiène de vie, je dois avoir des entraînements réguliers, même quand j'en ai pas envie, en fait. C'est une machine qui doit s'entretenir, je ne peux pas vraiment le laisser aller. Et le regard que j'ai sur mon corps, sa valeur est toujours liée à ce qui me permet de faire. Donc je sais que si j'arrive pas, si je régresse un peu en termes de capacité physique, je sais que je vais être très sévère avec moi-même. Alors que mon corps me permet de bouger, d'expérimenter des choses, de vivre. Donc on pourrait peut-être un peu plus se parler gentiment, avoir un peu de reconnaissance. Mais je suis perfectionniste et je verrai toujours ce qu'il ne me permet pas de faire. Waouh. Ouais. Eh bien, pour clôturer, plutôt freaks ou plutôt merveille, l'amorigasme ? Eh bien, l'amorigasme, totalement freaks. Ça, c'est freaks. Et par contre, le persona que je suis dans le strip, là, c'est merveille. Pour toi, c'est aussi l'amorigasme, ce que tu fais dans le strip ? Non. Pour moi, il y a l'amorigasme qui est ce côté monstre polymorphe qui utilise les codes de la femme fatale, mais qui te regarde et qui va t'arracher la jugulaire avec les dents si tu la regardes de travers. Et il y a mon personnage de strip, Chérie, tout est dans le nom, qui est la girl next door qui est toujours souriante, qui a les yeux toujours pétillants et qui est là pour mettre des paillettes dans les yeux des gens, pour qu'ils se détendent, pour qu'ils passent un bon moment. Donc je ne suis pas dans l'intimidation, je suis là pour leur faire passer un bon moment et qu'on s'amuse. Et c'est le principe du strip, je le rappelle à mes clients, on est là pour du fun, on est là pour de la magie. Voilà. Ok, eh ben, merci beaucoup d'être passé. Mais merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Puis longue vie à la Morrigas, mais à tes très très nombreux projets. Merci. Là, on est environ à la mi-décembre. Il y a des choses qui arrivent là. Oh oui. Là bientôt. Dragoona Matata. Donc Dragoona Matata, le show 100% Disney queer. C'est une association entre des illusions, donc Drag Queen qui vient des Pots de Minuit, Raoul les Mécaniques Drag King qui vient de la Baraka King et moi-même. Et donc l'idée, c'est que on invitait chacune des artistes un peu de tous horizons et on les rassemble autour d'un show où on va subvertir l'héritage des classiques de Disney à la sauce queer, féministe, pro-sexe, décolonial, parce qu'en fait, on voulait juste prendre toutes ces références avec lesquelles on a grandi et où on ne s'y retrouvait pas forcément, ou alors, au contraire, on plaquait des histoires queer par-dessus. Et là, on se les reprend, en fait, pour, comme j'ai dit, guérir nos enfants intérieurs. Mmh. On réécrit, on les reprend. Oui, ça se passe les 12 et 14 décembre au Rayon Vert à Jette et à la Brasserie de la Mule. Donc, les places sont déjà en ligne. Ok. Et si cet épisode est diffusé plus tard? Du coup, j'espère que c'était bien. Et on peut vous suivre sur Instagram? Oui, on peut nous suivre sur Instagram. Et si c'est plus tard... Là, tu me demandes d'aller chercher mon agenda dans ma tête. Il y a une journée porte ouverte le 22 décembre à la Bruxelles Art Pôle. Il y aura des petites performances. Je suis le nouvel an au Cabaret Mademoiselle. On va passer l'an neuf tous ensemble. Wow. En tout cas, on peut te suivre aussi sur Insta où oui, tu donnes tes dates et tes toujours, tes prochains j'ai une shows. Petite bulle de story dans laquelle je mets toujours les prochaines dates. Alors, je sais qu'Instagram, enfin les réseaux sociaux, c'est pas l'idéal pour suivre toutes ces dates, mais c'est ce qu'on a pour le moment. Et il faudrait que quelqu'un crée une newsletter qui reprend tous les shows. Oh, mais ça existe. Oh, tu me relances la balle. Ça oui. S'appelle Glitter Garage. Oui, avec Drag in Belgium, on a créé effectivement donc Freaks et Merveilles et Drag in Belgium Glitter Garage, qui pour le moment est une newsletter. Alors on a des grands projets d'en faire un blog, d'en faire un site, d'en faire des fanzines, d'en faire plein de choses. Pour le moment, c'est une newsletter qui reprend chaque mois l'actu des shows queer à Bruxelles et en Belgique. Et toute la Belgique, y compris cette terre lointaine et mystérieuse pour nous qu'est la Flandre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux pour qu'on vous permette de rejoindre cette newsletter, puisque pour le moment, il n'y a pas de site. Et donc le seul moyen de rejoindre cette newsletter qui vise à décloisonner le drag et le cabaret queer d'Instagram, c'est de venir nous contacter sur Instagram pour qu'on vous ajoute dessus. Mais promis, on changera ça bientôt. Bref, maintenant que tu m'as même permis à faire de la pub pour mes propres projets, on va s'arrêter là. Merci évidemment à Radio Panique d'accueillir Freaks et Merveilles depuis le début de cette saison. Merci à toi, la Morrigasme, d'être venue nous parler Paul, Strip et tout le reste. Longue vie à toi, longue vie à la Paul, longue vie aux travailleuses du sexe. Et à très bientôt. À bientôt et joyeux Noël, joyeux solstice, bonne fête. Et c'est ainsi que se termine l'épisode Freaks et Merveilles du jour. Rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, il y a plein d'épisodes à écouter ou redécouvrir sur les plateformes de podcast habituelles. N'hésitez d'ailleurs pas à recommander l'émission et y mettre plein de cœurs et d'étoiles pour qu'il soit mieux recensé et plus populaire encore. Et si l'envie et le cœur vous en dit, l'émission est sur Patreon. L'occasion de me donner un petit peu de soutien financier dans cette entreprise largement bénévole.